Selon le journal d'internet Tongnyeos, 8 membres de la solidarité coréenne pour la réunification indépendante et la démocratie de Corée du Sud ont rejoint le 7 leur collègue Kim Hye-yong, qui est à la grève de faim pendant 13 jours en état de maladie grave, pour livrer la grève de faim illimitée dans la prison. Par ailleurs, selon le journal d'internet quotidien de l'Homme, le Comité international pour les droits démocratiques en Corée du Sud a organisé le 3 à Paris, France, un meeting exigeant la liberté des prisonniers consciencieux et le retrait de Bakounine.